Les belles rencontres. Oui, bonjour, je me présente. Je m'appelle Anne Bergeron, artiste peintre de Dodgewell. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de vous présenter un artiste aquarelliste de grand talent qui demeure à Weedon, Pierre Casey, qui peint des paysages enchanteurs aux mirages poétiques. Et c'est peu dire. Bonjour Pierre. Bonjour Anne, merci beaucoup de venir me rencontrer. Ça me fait très plaisir. Quel fut pour toi, Pierre, ton élément déclencheur qui a allumé ta passion pour l'art de peindre? Comment ça a commencé? Ça a commencé à l'enfance parce que je dessinais. Ah oui. Mais je pourrais pas dire quand exactement c'est arrivé, mais j'ai toujours dessiné et fait un peu de sculpture enfantine là, avec des terres glaises. Ah oui, déjà tu commençais à faire des affaires, des inventions, des créations jeunes. Et ça, les dinosaures et puis des choses comme ça. Ah oui, mais c'est... au lieu de jouer au cowboy, toi tu faisais ça. Enfin, je jouais au cowboy aussi. Oh bon. Oui, puis après, y a-tu à l'adolescence, est-ce que tu as continué? Oui, parce que j'ai eu la chance là, de me retrouver dans un milieu artistique à l'école Montcalm. Oui. Où j'ai suivi les arts plastiques qui se donnaient à ce moment-là. Et puis j'ai bien aimé ça. Et puis j'ai réussi à faire quelque chose qui ressemblait à de l'art. Là. Puis quand tu as suivi tes cours d'art plastique, est-ce que tu touchais à plusieurs éléments, comme à plusieurs médiums, ou bien c'était concentré juste pour un? Oui, c'était le but de ces cours-là, en fin de compte, c'était de nous faire toucher à peu près au maximum de ce qui existait comme médium à ce moment-là. Oui. Qui était comme fusain, crayon, pastel, etc. Et puis, j'ai bien aimé ça, puis je me suis retrouvé à faire des choses... pour vendre à un moment donné. Mais quand tu étais déjà à étudier les arts plastiques à l'école Montcalm, tu te faisais distinguer parce que tu avais gagné des prix? Oui, d'après ce que j'ai gagné quelques prix là à cause de peintures qui ont été primées, puis même une sculpture, un buste de César que j'ai fait. Et puis, c'est ça. Je me suis démarqué. Ben oui, tu t'es démarqué, ben oui, parce qu'à l'adolescence, ça, c'est pas tout le monde. Mais juste par curiosité, le buste de César, était-tu fait en plâtre? Non, c'était une glaise. Une glaise, OK. Fait que tu pouvais... tu avais déjà une dextérité comme aussi. Les vrais, là. Oui. Puis toi, tu excelles en tant que peintre aquarelliste. Est-ce que, comme ça, aujourd'hui, t'es comme ça. Mais ça veut dire que t'as déjà peint à d'autres médiums, comme à l'huile. Pourquoi que t'es revenu à l'aquarelle? Parce que tu l'avais expérimenté, t'avais expérimenté l'huile. C'est à cause de la transparence? Oui, c'est à cause de la transparence, mais c'est aussi à cause de l'odeur des solvants qu'on utilisait en peinture à l'huile. Oui, puis oui. Cette odeur-là j'ai mal réagi à ces odeurs. Oui, puis c'est pas il y a beaucoup de monde comme ça aussi qui... Puis avec l'aquarelle, ben c'est absolument propre. Il n'y a rien qui sent, rien, puis c'est l'odeur du papier, tout simplement. Oui. Puis en même temps, l'aquarelle, comme tes aquarelles à toi, j'ai toujours trouvé que c'était comme une peinture en poésie. Quels sont les sujets qui t'attirent le plus pour arriver à peindre des œuvres aussi poétiques? Parce qu'il y en a qui vont faire des visages, mais toi, c'est beaucoup plus dans la nature. Puis c'était attiré vers ça, dans la nature? Oui, comme on voit par l'environnement aussi. Oui, parce que tu demeures vraiment aussi. Oui, on est en campagne. En campagne, oui. Et puis, c'est arrivé un petit peu. Les lumières dans mes aquarelles, c'est arrivé par accident parce que j'étais à un symposium et puis on était dans une roulotte de gitans, là, où on passait quelques jours à attendre que la pluie cesse. Puis j'ai regardé dehors vers la forêt. Et puis, il y avait comme une lumière de soleil qui venait de l'horizon à travers les arbres. Mm-hmm. Puis, je me suis dit, je suis capable de faire ça. Ah oui, c'est puis, comme ça. J'ai essayé ça, puis ça fonctionne. Ah oui. Puis, depuis ce temps-là, ben, je suis intéressé beaucoup par la lumière qui peut entrer mm-hmm. dans le tableau par l'arrière. Là. C'est vraiment mais oui, c'est intéressant. Ça. Ben, c'est ça, parce qu'on sent la lumière qui passe à travers les fleurs, à travers la nature. Puis, c'est à partir de ce moment de méditation-là, sans que tu le saches, là, que, parce que tu attendais qu'il fasse beau. C'est ça. Ah, ben c'est un bel élément déclencheur. Et la lumière fut. Eh oui, la lumière fut dans les deux sens. C'est ça. Fait que c'est ça qui est très spécial, justement, parce qu'on sent vraiment là, quelque chose qui passe à travers tes... la lumière qui passe à travers tout ce que tu fais. Ben merci. Mm-hmm. Les sujets que... Ce sont des sujets que tu inventes ou si ça peut être des modèles ou c'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux. Oui. Comme on a discuté un petit peu avant, oui. Il y a quelques fois où c'est utile d'avoir un modèle pour travailler. Mm-hmm. Et puis, si on invente, on a une plus grande liberté dans mm-hmm. nos actions, dans nos dessins, mm-hmm. que si on travaille d'un modèle. Mais les deux sont bons. Quand tu travailles d'un modèle, c'est pas une photo, c'est un modèle naturel. C'est ça, oui. Toi, tu travailles pas du tout avec des photos. Non. Ah, ça, c'est... Donc, tu travailles directement sur le motif. Parce que quand oui. on travaille d'une photo, on mm. travaille en deux dimensions. OK. Tandis que si on travaille d'un modèle, on travaille en trois dimensions. Puis c'est la ah. seule façon de voir la perspective correctement. Ah oui, OK. Mais ça, c'est bon à savoir et à retenir okay. aussi. Alors, c'est pour ça. Donc, quand tu fais tes sujets, mais que tu vois devant toi pour peindre, est-ce que tu te fais un petit croquis à côté ou si tu le fais directement sur ta feuille? Oui, directement sur la feuille. Directement sur ouais, la feuille? C'est plus véritable. OK. Comme si c'était l'empreinte du peintre. Ben, c'est spontané aussi. Là. C'est, oui. C'est l'inspiration. Là. C'est oui. moins travaillé. OK. Fait que c'est toi, à partir de ton modèle, tu fais un petit croquis sur ta feuille d'aquarelle. C'est ça. OK. Puis... ta composition, comment tu fonctionnes pour faire une composition? Est-ce qu'il y a une façon... Est-ce que toi, t'es plus le style académique ou si t'es plus le style spontané? Qui ça va, t'sais? Tu veux-tu nous parler un petit peu de la façon dont tu fonctionnes? Ouais, ben la façon de représenter graphiquement ce qu'on regarde, c'est d'abord... De trouver l'essence de l'objet, de voir c'est quel aspect est intéressant et important. L'essence de l'objet. Quand tu veux dire l'essence, tu veux dire l'essentiel. Quoi? Oh, l'essentiel, okay. Oui. Et puis, la composition, ben, on a un petit peu pas le choix parce que c'est une composition classique. Mm-hmm. Et puis, si on veut créer quelque chose d'abstrait, là, à ce moment-là, on a toute liberté. Mm-hmm. Mais si on veut rester dans le classicisme, il faut respecter certaines règles. Okay. Et puis, ça a à voir avec la règle d'or qui date de bien avant notre temps. Oui, la règle d'or, OK. Ça, la règle d'or, je pense que c'est... Il y a quatre points dans une toile, c'est oui. ça? En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Tu peux-tu nous l'expliquer un peu plus? Ben, plus, c'est l'endroit où on place le centre d'intérêt. OK. Qui doit être à une distance différente de chacun des côtés de la toile. OK. En gros, c'est ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit au milieu. Non plus. Faut pas qu'elle soit égale distance en bas, en haut, puis à droite, pas à gauche. OK. Oui. Faut que le côté droit soit différent du côté gauche, puis en bas, puis en haut, soit différent c'est ça. Aussi. Il y a moyen de compliquer les choses, là, mais on ne le fera pas. OK, mais j'aimerais ça quand même que tu puisses compliquer. Non, je ne veux pas les compliquer. OK, OK. Parce que de toute façon, si on n'est pas dans le domaine activement, oui. C'est des choses, c'est des théories qu'on apprend, puis qu'on oublie aussi, ah, ben qu'on oui. les a entendues. C'est ça. parce que il y a, vous pouvez le vérifier, là, la règle d'or, il y a un paragraphe là-dessus qui est composé par quelqu'un qui aimait jouer avec les mots en français. Là. OK. Puis c'est pas facile à se souvenir. OK. Mais en gros, c'est ça. Okay. C'est juste qu'on place l'objet principal dans un endroit qui est différent. La longueur de haut, bas et gauche-droite. OK. Et ça va bien. Et puis ça veut dire que l'individu, même s'il ne connaît pas la peinture, il va être attiré tout de suite vers ça, sans que c'est instinctif, ça, pour les coups de cœur ou des choses comme ça? Oui, c'est toujours la même histoire que si on met du rouge dans un tableau, par exemple, oui. On a plus de chances de le vendre s'il n'y en a pas. Ah bon? Il y a des choses aussi simples que ça qui est bon de savoir là, quand on s'en va en or pour le vendre, là. Comme ça, la règle d'or, c'est un des principes de base de ce qui est l'esthétisme. OK, puis de l'esthétisme. C'est intrinsèque à l'être humain, ça, d'être capable de percevoir la différence entre la beauté et la laideur. OK. Puis la beauté, ben, on la repose sur des dogmes, sur des pratiques ancestrales et de très loin qui sont dictées dans le domaine. OK. Qui ont été vérifiées, tout. Oui, c'est vérifié. Puis effectivement, les gens sont attirés plus vers certains objets faits de certaines façons que d'autres. Puis même si les gens ne connaissent pas la peinture, ils ne pourraient pas l'expliquer pourquoi, mais le peintre, lui, peut le savoir. Oui. Oui, c'est un secret. Oui. Comme dans le fond, il y a aussi la complémentarité des couleurs, comme le rouge et vert, l'orange et le bleu, puis le jaune et le mauve. Fait que les gens, pourquoi que c'est comme ça? Ça, c'est peut-être ça aussi. Ça va avec les contrastes, oui. C'est ça. Non, ça va. Mais sans savoir, il y a des choses comme ça qui peuvent plaire, puis que les gens ne savent pas pourquoi. Ça se vérifie aussi, ça. Ça se vérifie aussi. Oui, parce que si vous avez une couleur rouge sur une feuille de papier blanc, oui. Vous la regardez pour à peu près une dizaine de secondes, vous fermez vos yeux, puis ce que vous allez voir, c'est la complémentaire. Ah, ça c'est bien! Ça va être vert que vous allez voir. OK, ça va être vert. OK, bien, on pourrait faire la même chose. Dans toutes les couleurs. OK, ça c'est un bon exercice. Ça c'est très bon à savoir. À suivre. Thank you.